Oz. C'est le surnom du pénitencier Oswald, le pire des pénitenciers, maximum sécurité. Oz est une humiliation. Vous voulez punir un type, vous le séparez de sa famille, vous le séparez de lui-même, vous le bouclez avec ses semblables. Oz, c'est l'enfer pour purger sa peine. Dans ma tête, c'est la merde, j'ai l'impression d'être un dollar. Ils veulent pas qu'on avance, c'est la génération du dollar. Doléances du peuple, milliers de bouteilles à la mer. Pendant que d'autres espèrent devenir des ghettos millionnaires. On vit avec une constante pression psychologique. Je m'étonne pas de voir tant de frères en toxicologie. Ciel gris à l'horizon, des barres de béton. Le sol tape de serpent sera la vente de litron. Pour oublier, il faut pilonner. On vit comme des prisonniers. Perspective d'avenir, nul le destin nous rayonner. Mais on s'accroche, on avance pour nos proches. Fier jusqu'à la mort, même sans un sou en poche. Certains ont entendu dire que le crime ça paye. Première galère, on te juge et tu purges ta peine. À chaque pas que l'on fait, on a la mentalité haute. Ça se sent dans nos proses, lyricisme à haute dose. Ici c'est Oz, oublie tous tes idéaux. La tête dans les taux, c'est la triste vidéo. C'est pas une vidéo, nos taux sont nos halls. Et les réfractaires, ils les collent dans des jaunes. Ici c'est Oz, oublie tous tes idéaux. La tête dans les taux, c'est la triste vidéo. C'est pas une vidéo, nos taux sont nos halls. Et les réfractaires, ils les collent dans des jaunes. J'ai des rêves, des buts, au final trop de déceptions. Du mal à transformer en action ces suggestions. La gestion est dure quand tu vis la répression. Pire si un joint t'accompagne dans la déception. Te sectionne le chemin et toute la motivation. T'empêche de vivre et d'atteindre tes missions. Te passionne au point de te prendre ta réflexion. Te ramène dans le monde de la superstition. J'ai tissé ma vie comme le fait chaque existant. Constatant que le bien ici-bas est incompétent. Combattant le mal, il est perdant, c'est inquiétant. Tenant dans sa cellule, j'avoue que c'est tentant. De perdre mon temps, restant toujours mécontent. De plus croire en moi-même et à tout ce que je prétends. Qui chante entre mes frères, deviennent dépendants. Deviennent parano, assolant, arrogant. C'est Oz, oublie tous tes idéaux. La tête dans les taux, c'est la triste vidéo. C'est pas une vidéo, nos taux sont nos halls. Et les réfractaires, ils les collent dans des jaunes. C'est Oz, oublie tous tes idéaux. La tête dans les taux, c'est la triste vidéo. C'est pas une vidéo, nos taux sont nos halls. Et les réfractaires, ils les collent dans des jaunes. On est là, on avance, mais on sait même pas pourquoi. Y'a peu de jours de chance et encore moins de gens courtois. Là où les vermisseaux se gavent de protéines. Bienvenue où les gros caïds, ils la cocaïne. Ils nous mettent à l'écart, nous conditionnent comme du bétail. À côté de ça, la police ne fait pas de détails. Demande à Sarko, à Marine Le Pen. Pas d'horizon, pas d'avenir, pas de remise de peine. Notre avenir s'annonce mal, je ne sais pas quoi faire. Les solutions disparaissent avec chaque lap dans l'atmosphère. Il est grave de le dire, la situation est précaire. Et je régresse chaque jour devant les yeux de mon père. Je me sens enfermé des barreaux devant les yeux. Et je deviens dépressif, y'a plus d'espoir dans les cieux. Je me demande si ici j'aurai le temps de devenir vieux. Ou si un jour j'arriverai à quitter ces lieux. Ici c'est Oz, oublie tous tes idéaux. La tête dans les taux, c'est la triste vidéo. C'est pas une vidéo, nos taux sont nos halls. Et les réfractaires, ils les collent dans des jaunes. Ici c'est Oz, oublie tous tes idéaux. La tête dans les taux, c'est la triste vidéo. C'est pas une vidéo, nos taux sont nos halls. Et les réfractaires, ils les collent dans des jaunes. Comme la majorité d'entre nous. Ce qu'on était ne compte pas. Ce qu'on est ne compte pas. Ce qu'on deviendra ne compte pas.